À quoi rêve cet homme assis, les yeux perdus dans le vague, mille rides faisant ses mains. À quoi joue cette petite fille, les cheveux au vent qui brillent, les signes des spirales de la main. On a beau sauver les apparences, on est tous quand on y pense, en route sur le même chemin. Car il y a l'art et la manière d'être humain sans avoir l'air de poursuivre la vie en vain. Le doigt tourné vers le ciel, que montre le sage à ceux qui n'observent que sa main. On se croit tous éternels, on se dit que pour être heureux, mieux vaut attendre demain. Nous faut-il sauver les apparences, se méfier ou faire confiance au hasard de nos destins. Mais il y a l'art et la manière d'être humain sans avoir l'air de poursuivre la vie en vain. Ah,